Faucon Millenial vous est présenté par la cantina de Mos Espa. À Mos Espa, si ça ne te tue pas, c'est que ça se boit. Grushka. Tuki. Adrien. Funeli. Ika. Et Madi. Faucon Millenial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millenial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie qui ne pense pas qu'un vrai fan de Star Wars existe. Je suis Adrien, et c'est moi qui l'ai piloté aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagné par l'empereur des geeks, David Perron. Salut David. Ah, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Comment tu vas? Ça va super, je suis chaud pour parler de fans. Yes, let's go! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est super content de t'avoir avec nous pour cet épisode de Faucon Millenial. Alors, David, tu es sociologue, chercheur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences, t'es également youtubeur, puisque tu es l'animateur principal de Postmodem, une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique autour de la socio et de la culture geek. Tu es d'ailleurs en France le spécialiste de la culture geek, puisque en 2013, le bouquin du même titre, Culture Geek, paraît. Et en fait, c'est ton bouquin que t'as écrit suite à ta thèse soutenue l'année d'avant. C'est ça. Est-ce que j'ai tout bon ? C'est tout bon, oui, le bouquin, c'est un peu la version director's cut, on va dire, de la thèse, parce que faire lire 3 millions de signes aux gens, c'était trop. Voilà, il fallait couper un peu. 3 millions de signes, t'as écrit pour ta thèse ? 2 et demi, ouais. Oh la vache. Oh, ça vient vite, tu verras. Ouais, bah, je suis en train de rédiger en ce moment, là. C'est pas facile. Non, c'est sûr, mais bon, sur 5 ans, ça va. Ouais, ça va, finalement. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. En fait, ça fait très longtemps qu'avec Grushkov et l'équipage tout entier, on avait envie de parler des fans de Star Wars. Et comme maintenant, c'est un peu mon métier de parler des fans de Star Wars et de les étudier, j'avais envie qu'on fasse ça bien sur plusieurs épisodes. Et on va le voir aujourd'hui, on a toujours des tonnes de choses à dire sur les fans. Et du coup, qui de mieux que le maître Jedi des fan studies françaises, David Perron, pour nous aider à faire une émission introductive sur le sujet. Bah écoute, avec plaisir. Yes, let's go. Écoute, on va pas forcément s'attarder sur les fans de Star Wars aujourd'hui, mais on va se poser des questions plus générales sur les fans d'univers de science-fiction, fantasy et fantastique, plus communément appelé SFFF, et également de leur histoire, hein, mais aussi l'histoire des fans studies, ouais. Et des particularités qu'ont ces fans-là. Voilà. Sympa. Pour commencer, David, est-ce que tu penses que tu pourrais me décrire rapidement ce que c'est que les fan studies? Oui, alors les fan studies, on va dire que c'est un mouvement. Alors quand on rajoute studies à quelque chose, c'est qu'en général on fait référence aux études anglo-saxonnes hein, qui se découpent en media studies, fan studies, gender studies, etc. Et qui découlent souvent d'un grand mouvement derrière qui sont les cultural studies, donc qui sont nés dans les années 50-60 en Angleterre. Et dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y a des gens qui sont commencés à se dire, tiens, si on étudiait les fans, et ils ont même fait un vrai mouvement. Donc en général, il y a une espèce d'année séminale qu'on donne, mais bon, c'est toujours un peu les dates, hein, c'est comme en histoire, c'est toujours ouais. jamais... Mais voilà, en gros, l'année 92, où deux gros bouquins sont sortis, sur un livre collectif et un livre d'un auteur fondamental qui est Henry Jenkins. Mais il y avait déjà eu des travaux avant, bien sûr, ils n'ont fait que paver la voie. En gros, c'est un mouvement de recherche qui s'est intéressé aux fans et en les prenant au sérieux, pas juste pour, parce que c'était le cas d'avant, pour les pathologiser, les considérer comme des gens too much, trop, ou dangereux, ou plutôt se poser des questions sur pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on est fans, qu'est-ce que ça explique, qu'est-ce que ça dit de la société en entier d'ailleurs, et quels enjeux sociaux ça recouvre, parce qu'évidemment, comme ça fait partie des cultural studies au sens large, dedans on va avoir des trucs sur les fans et le genre, les fans queer, sur les fans toxiques, sur pourquoi est-ce que dans la société capitaliste les fans ont émergé et qu'est-ce que ça veut dire dans la société. Voilà. C'est aussi des questions plus larges qui se posent. Ouais. Oui, c'est dans le livre de Mélanie Bourda, qui est également ma directrice de thèse. C'est vrai qu'elle dit quelque chose d'intéressant. Elle rappelle que étudier les fans, c'est en fait étudier la société et comment elle fonctionne. Et, ouais, moi je tiens beaucoup à ça, ouais, c'est clair, parce que souvent, déjà, en tant que chercheur en sciences humaines qui travaille sur la pop culture, on est toujours confronté à des questions un peu extérieures qui nous disent « mais à quoi ça sert ce que tu fais, pourquoi, etc. Ouais, » ouais, toujours. Donc j'ai évidemment mes réponses toutes prêtes, un peu prémâchées évidemment à force de les avoir entendues. Bien sûr. Mais parmi ces réponses, en fait, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que moi je travaille sur les identités pop culture, donc comment la pop culture sert à nous définir en tant qu'individu. Et quand je dis ça, je dis que les identités ont largement évolué dans notre monde contemporain, on se pose beaucoup plus de questions identitaires. Et je dis à mes étudiants, il y a encore 50-40 ans, vous naissiez dans un village, vous allez faire le même métier que vos parents, vous avez la même religion que vos parents, la question de votre genre se posait même pas, on allait vous marier avec quelqu'un de façon de force. Aujourd'hui, on est beaucoup plus défini par les choix qu'on fait, donc nos goûts, même si ces choix évidemment sont en partie déterminés par le social. C'est pour moi c'est des questions globales de la société qui se posent, sinon c'est sûr que ça sert pas à grand chose de gratter de la terre pour pas grand chose quoi. Mais oui, la question se pose souvent. Oui. C'est vrai que du coup j'ai retrouvé la citation entre temps, dans le livre de Mélanie Bourda qui s'appelle Les fans publics actifs et engagés. Mélanie dit que étudier les fans, cela équivaut alors à se poser des questions sur la structuration de l'espace politique et sur la société en général. Et je sais pas toi, David, mais moi j'ai jamais autant compris la société que depuis que je fais des fan studies. C'est vraiment... Bien sûr, oui. Et puis en plus, quand on a un parcours un peu de chercheur, c'est qu'on sait, on peut toujours poser des questions, mais qu'on avait du mal à parfois mettre des mots dessus. Et c'est vrai que quand on a un angle pour y trouver des réponses, c'est toujours intéressant. Et moi, je pense que justement, les vraies sciences humaines, entre guillemets, même si les vrais et faux, voilà, c'est toujours quand tu peux partir d'un angle extrêmement pointu et précis. Et en fait, ouais, quand tu tires le fil, tu découles tout. Et finalement, même les bases des sciences humaines, hein, Marx, quand il étudiait les modes de production, il s'est rendu compte à la fin qu'il parlait même de culture, justement, et de d'évolution de société. Donc, n'importe quel angle, en fait, si c'est bien fait, tu vas pouvoir te faire déposer des questions sur l'entièreté de la société et essayer de faire avancer un tout petit peu les réflexions dessus, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment partir de, comme tu dis, de cas d'études pour arriver à conclure quelque chose de plus grand sur la structuration du monde, quoi, et l'espace social. Ouais. Du coup, on a bien défini ce que c'était que les fat studies. Maintenant, David, on va directement prendre le taureau par les cornes, je vais te poser la question, c'est une question piège, hein, parce que je me doute plus ou moins de ce que tu vas me répondre, mais c'est quoi un fan? C'est quoi un fan? C'est une question en effet très difficile. C'est une question compliquée. Hein. On y passe tous. Hein. On demande tout le temps. Beaucoup de mes amis chercheurs ou non qui savent que je travaille dans les fan studies me demandent, me disent mais c'est quoi un fan finalement? Comment tu le définis? Oui, et j'ai eu pareil beaucoup avec c'est quoi un geek? Voilà. Ouais. Oui, alors ma réponse de base est la même pour c'est quoi un geek, c'est quoi un fan? Parce que je suis un peu alors. C'est les courants de recherche qui peuvent se discuter, mais je suis un peu, on va dire, constructiviste, c'est-à-dire que moi, je crois plutôt au fait que la réalité est construite par, on va dire, par le sens qu'on y projette dedans et que pas par son existence en soi. Donc moi, pour moi, un fan, ouais, ça n'existe pas, il n'y a que des gens qui se considèrent fans. C'est mon approche qui est à peu près partagée, ouais, hein, par beaucoup de gens. Donc après, on pourrait dire qu'il y aurait... On pourrait, d'ailleurs, ça m'a été reproché derrière ma soutenance de thèse de ne pas l'avoir fait, mais on pourrait se dire qu'il y a des... Il pourrait y avoir des critères objectifs. On pourrait dire, eh ben, nombre d'heures par semaine à consommer tel univers, ça veut dire que t'es un fan parce que tu es au-dessus de tel degré au-dessus de la moyenne, etc. Donc pour moi, c'est pas inutile de se poser ces questions-là non plus. Et peut-être que j'aurais dû plus le faire dans ma tête, parce que je me suis fait gronder par un vrai sociologue qui m'a dit que j'avais pas fait après assez de quantitatifs justement pour mesurer ce que ces fans-là, mais en quoi ils sont fans, ça veut dire qu'ils passent combien d'heures par semaine à être fans, voilà. Et c'est vrai que c'est pas les questions que j'ai trop posées, c'est vrai que ça m'était pas venu. Mais il avait un peu raison, c'est pas inutile, mais c'est vrai que pour moi, je prends souvent l'exemple du jeu vidéo. Le jeu vidéo, il y a des gens qui vont jouer 30 heures par semaine à un jeu vidéo parce qu'ils jouent dans les transports en commun à un petit jeu sur leur téléphone et ils se considèrent pas du tout gamer ou fan de jeux vidéo. Alors que quelqu'un qui va jouer une heure par semaine à Baldur's Gate ou à Skyrim, il va se considérer hyper fan. Donc après, les questions quantitatives sont évidemment forcément limitées, liées à les univers, liées à ce que tu y projettes dedans. Donc pour moi, un fan, évidemment, on pourrait le résumer de manière très classique en disant c'est quelqu'un qui est passionné par un sujet et au point de se définir en partie par lui, c'est-à-dire de dire, voilà, si tu veux connaître qui je suis, il faut passer par là. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose qu'on se considère, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, en effet, qu'on pourrait dire... D'ailleurs, ça m'est arrivé plein de fois dans la vie, je pense toi aussi, de dire à quelqu'un, mais t'es vachement fan de ça, il va dire, non, me dis pas que je suis fan. Hein. Alors qu'il a, je sais pas, tous les bouquins d'un domaine, ou que. Parce qu'il va être attaqué par ça, ou parce qu'il aime pas cette étiquette-là. Ce qui peut tout à fait s'entendre, on peut ne pas aimer une étiquette, même si de l'extérieur, les gens vont considérer que. Donc voilà, c'est avant tout pour moi se considérer comme fan, ce qui veut dire du coup, quand on se considère comme fan, on va chercher aussi à faire partie d'une communauté, c'est aussi un truc social, quoi. Ouais, complètement. Et c'est marrant que tu parles justement du constructivisme par rapport au fan, et tu te dis, le fan, c'est celui qui se pense fan, et en fait, c'est un avis que je rejoins quand même pas mal, même si, et tu l'as dit un peu, hein, c'est quand même plus compliqué que ça. Moi, j'ai, à titre personnel, voilà, ceux qui écoutent le podcast le savent peut-être déjà, mais j'étudie principalement les fan-films, donc ce type de film fait par des fans, et en fait, j'ai plein de cas dans mon corpus de créateurs de fan-films qui ne se réclament absolument pas fans. Ouais, c'est ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment des gens, enfin, tu vois, j'ai essayé de creuser un peu en leur demandant, mais du coup, vous n'êtes pas fan, vous avez quand même fait un fan-film important dans l'histoire des fan-films et tout ça, genre, pourquoi vous n'êtes pas fan? Et j'ai déjà eu une réponse, parce que j'ai pas de pyjama... Non, alors c'est pas moi qui t'avais eu cette réponse-là, mais j'avais lu quelque part, justement, le mec qui a fait le premier fan-film de Star Wars, il avait dit qu'il se sentait pas fan parce que il avait pas de pyjama Star Wars. Chacun ses critères, ouais, c'est sûr. Et puis, ça dépend aussi du contexte social dans lequel tu es. Ça dépend de plein de choses qui vont faire que tu vas te définir ou pas. Ou justement, le côté péjoratif va gêner. Moi, pour les geeks, c'était extrêmement courant. Où les gens disaient oui, c'est pour ça que le mot culture geek était important, parce qu'ils disaient oui, je partage un peu la culture geek, mais je suis pas un geek, parce que tu devrais. Et c'était souvent, tu devrais interroger mon pote. Lui, c'est un vrai, parce qu'il était encore pire que lui dans un domaine ou encore plus passionné. Mmh. Voilà. Donc c'est toujours un peu l'autre. Et puis t'as aussi des contextes, parce que je me souviens d'interviews que j'avais fait aussi avec des fans, et qui me disaient c'est marrant parce que moi on me dit que je suis un fan et que je suis bizarre, et mon frère il est passionné de ouf de foot, mais comme mon père aussi, et bah, ils vont tous les temps au stade, ils ont le même maillot, ils ont les écharpes à la maison, etc. Ils se considèrent pas comme fan, pour eux c'est un truc normal. Alors que moi c'est aussi de la bizarrerie, c'est la marginalité qui peut créer ça. Bien sûr, ouais c'est ça. Et c'est vrai que du coup... être fan, moi j'ai vraiment beaucoup d'amis qui sont fans de plein de trucs, mais qui aussi sont les premiers justement à critiquer les fans et à être vraiment... Non, moi je suis pas fan, hein, non. Mais par contre, je suis extrêmement touché émotionnellement lorsque cette œuvre-là est adaptée en série et ça me plaît pas ce qui se passe dedans, quoi. Tu vois, j'ai un ami fan de Fallout... qui vraiment, il ne dira pas qu'il est fan de Fallout, mais il est fan de Fallout. Et quand il a vu la série, il a pété un plomb. Ouais. mais il faut surtout pas dire qu'il est fan de Fallout. Attention, hein, c'est vraiment. C'est une question en vrai de sciences humaines extrêmement large et insoluble. Alors que même quand on se dit constructiviste, on sait bien qu'on sait une manière de se débarrasser du problème, et en fait, on en retrouve d'autres derrière. Et donc après, en effet, ce que tu dis là est intéressant, parce que c'est. Il y a des méthodes en sociaux où on va justement se dire, en fait, on va utiliser uniquement quand les choses deviennent problématiques et quand les gens, du coup, se mobilisent pour un sujet. Et donc, peu importe qu'ils se disent fans ou qu'ils ne se disent pas fans, on va dire, voilà, si la communauté s'est mobilisée, je sais pas, pour que leur série préférée ne s'arrête pas, et donc ils vont faire des pétitions, des hashtags sur Twitter et sur Instagram, finalement, il y a un phénomène de fans, même si eux, individuellement, ne se considèrent pas comme fans. Donc il y a plein de manières de gruger avec ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution parfaite, donc on est toujours confronté à ça. Ouais, en fait, tout ça pour dire que finalement que le terme de fan, c'est quand même un terme qui a pas de, on va dire, de frontières poreuses, quoi, en fait. Oui, non, il est... Il n'y a pas de frontières opaques, justement. Ouais, c'est ça. Poreux. Bien sûr, et puis entre... passionné et fan, qui est la différence entre amateur et fan, il y a plein de nuances qui sont extrêmement compliquées, voilà, entre juste être public et être fan, c'est plein de choses. Par contre, voilà, il y a des choses un peu plus objectives, dans le sens où, il y a des gens qui se revendiquent communauté de fans, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des recherches sur FanStudies vont s'intéresser, entre guillemets, pour évacuer le problème, à des communautés très revendiquées, très fortes, très, moins flottantes, moins floues que d'autres choses qui peuvent exister. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix, on essaie de s'accrocher à des choses qui sont un peu plus réelles. Donc on va étudier les communautés de fans, on va étudier les conventions de fans. Et là, on se dit, bon voilà, les gens qui vont régulièrement en convention, on peut se dire comment il y a un critère, c'est ça. Et donc voilà, on se base sur les critères, on choisit. Mais choisir, c'est toujours limité un peu. Et c'est vrai que du coup, tu parlais tout à l'heure des années 90, qui ont été vraiment, surtout 92, qui a été vraiment fondatrice pour les fan studies. notamment en fait et surtout par le biais de Star Trek, qui est quand même une franchise extrêmement précise, mais qui a quand même été présente dès le début des fan studies et qui a même donné son nom à plein de choses. Hein. Je pense notamment, tu sais, à la pratique du slash. Slash, bien sûr. Voilà, à l'époque, on appelait ça même le slash KS pour Kirk Spock, même pour d'autres franchises. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant parce que dès le début, c'est très précis, quoi. On étudie effectivement les conventions et les fans qui écrivent des fictions bien précises. Ouais. Comme ça, on c'est une manière aussi de se légitimer en tant que discipline scientifique, hein, en tant que courant scientifique même, parce que justement, on s'accroche à des trucs concrets, quoi. Mais derrière, des questions, qu'est-ce qu'un fan? Je trouve que en 2024, on n'a pas encore de consensus scientifique sur le sujet. Oui, et puis comme on n'est pas en sciences dures, où on fait pas des équations, donc il n'y a pas un résultat précis à trouver, voilà, c'est des flous qui sont aussi utiles dans le social. C'est-à-dire que si les choses sont un peu indéfinies, c'est parce que les gens ont besoin de choses un peu indéfinies pour justement en sortir, en rentrer, le rejeter. Voilà, moi, justement, quand je parlais de mot geek, on me disait toujours geek, mais ça veut rien dire. Je dis oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, ça veut rien dire. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent ah, t'es trop un geek. Donc c'est que ça veut dire quelque chose pour les gens. Donc même, bien sûr que. Il y a plein de notions comme ça, et le problème, c'est que donc, quand on essaie de s'en emparer de manière sérieuse, c'est plus compliqué que dans le langage quotidien, où les gens peuvent le manipuler sans problème, quoi. Mais complètement, non, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, alors, on a déjà un peu répondu à cette question, mais quand, tu vois, je sais que t'as écrit pas mal sur le sujet, hein, geek, vrai geek, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quoi un vrai fan, tu vois? On entend... des fois cette expression dans la bouche des gens, pas un vrai fan, t'es pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est exactement cette expression? Déjà pour moi derrière il y a une logique que je trouve extrêmement passionnante, c'est l'authenticité, c'est être un vrai, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est authentique. Et moi justement là on parlait au début du fait que nos travaux finalement touchent à toute la société, et je pense que dans la société actuelle il y a la question d'authenticité, elle est partout en fait, c'est-à-dire que plus on la cherche, plus on la perd, ça veut dire que probablement notre monde est de moins en moins authentique. Et donc, on va partir en vacances dans des lieux, des petits villages médiévaux mignons qui ont été reconstruits il y a 20 ans pour attirer les touristes, et on va dire, ah, ça fait authentique. Alors qu'en fait, le vrai authentique, c'est les barres d'immeubles, c'est là où vivent les vrais gens, en fait. Mais c'est pas vrai, c'est pas authentique, c'est pas typique. Et donc, les restaurants, pareil, vont faire appel à toute une logique de l'authenticité, les vrais produits, les machins. Et donc, il y a une espèce de recherche de l'authentique qui est finalement une recherche un peu disneylandesque, quoi. On crée du d'authentique en faisant du parc d'attraction, quoi. Et ça se voit très bien dans le tourisme, hein, qui est un très bon exemple de ça, où les gens vont au bout du monde chercher du typique, alors que voilà, le typique, c'est leur vie aussi, quoi. Et donc, l'authentique chez les fans, justement, trouver du vrai, évidemment, c'est un rapport de pouvoir. L'authentique, c'est forcément un rapport de pouvoir. Ce qui est vrai est pur, et ce qui est pur est mieux, et donc, voilà. Et fait appel à forcément une espèce de pureté originelle, toujours, hein. Donc là, évidemment, la logique est un peu malsaine, mais après, elle est intéressante parce qu'elle est humaine. On fait tous ça parfois, à se dire, ah, je vais être un peu plus vrai, ou je veux des trucs plus vrais que les autres, etc. Et donc, c'est intéressant. Après, là où moi je trouve la question du vrai fan intéressante aussi, au-delà de là où elle peut être intéressante mais critiquable, c'est le côté émotion partagée. C'est-à-dire que, tu sais, j'avais fait un petit article sur les listes sur internet où des gens disaient, tu sais que t'es un vrai fan de tel truc si. Et après, tu mettais une liste de trucs, t'as vécu ça, t'as eu tel truc, t'as eu tel truc. Et donc, tu sais que t'es un vrai si, en fait, ça sert à créer du commun. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire, voilà, tu sais que t'es un vrai fan d'Harry Potter, si on t'a déjà traité de moldu, ou tu machin, voilà, un truc comme ça. Ouais. Ou si, quand tu parles, les gens comprennent pas ce que tu dis, voilà. Donc en fait, c'est un truc qui permet de créer du commun. Donc en fait, tu sais que t'es un vrai si, c'est-à-dire, c'est une forme de rite de passage. Donc finalement, pour moi, c'est limite comme les sociétés secrètes, quoi. T'avais un signe secret pour se dire bonjour entre les francs-maçons quand ils étaient attaqués par l'église. Et ben là, c'est ton signe secret, c'est d'avoir vécu la même chose que l'autre et de pouvoir comprendre la référence de l'autre. Et donc du coup, de faire partie du groupe, quoi. Donc là, c'est une logique de reconnaissance et d'intégration que je trouve intéressante. Si c'est pour dire faire la hiérarchie, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. Bien sûr, même si c'est un sujet d'étude passionnant. Tout à fait, ouais. T'en as écrit un chapitre dans l'ouvrage collectif Fan et Gender Studies, la rencontre. Oui, sur les filles, ouais. C'est ça, ouais, sur les femmes geeks. Les femmes geeks, c'est ça, qui du coup n'étaient pas des vrais geeks parce que voilà, elles étaient des femmes en fait. Voilà, leur genre suffit. C'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que l'expression vrai, comme tu dis, c'est marrant d'un sens, parce que ça peut permettre une certaine reconnaissance et surtout une appartenance à un groupe et à même une certaine catégorie sociale. Mais ça peut aussi, voilà, être en fait symptôme d'exclusion et... Et oui, c'est du coup, c'est intéressant. Ouais. Il faut trouver l'équilibre entre l'envie qui est légitime de faire partie d'un groupe et donc du coup d'avoir des références communes, parce que tout groupe a des références communes, et le gatekeeping qui ferme la porte aux gens qui voudraient rentrer dans le groupe et qui ne sont pas des vrais. Voilà. Et donc, on oscille tous dans notre vie quotidienne entre ces deux trucs, et parfois on se dit « Ah, là j'étais trop loin dans le « j'ai pas voulu t'expliquer parce que t'es pas vrai ». Et puis parfois, ça fait du bien aussi de se retrouver entre personnes qui connaissent les refs et qui comprennent le langage, qui comprennent aussi l'éventuelle souffrance qu'on peut avoir pour n'importe quel sujet, mais qui... partagé par des gens en commun, et donc parfois c'est bien aussi d'être entre personnes qui ont vécu les mêmes exclusions. Alors quand on est fan, il n'y a pas de grosses exclusions en général, mais pour les sujets plus graves, oui, parfois être entre vrais, c'est aussi important. Ouais, complètement. Ok, écoute, merci beaucoup pour cette discussion sur les vrais fans, c'était intéressant, je pense, de parler de ça pendant un moment, mais maintenant du coup... on a parlé donc de Henry Jenkins et donc de son bouquin fondateur Textual Poachers en 92. Henry Jenkins, il développe aussi il développe plein de notions, hein, si les fastidieux vous intéressent, je vous conseille de lire ce que ce grand monsieur a fait. Mais il a également parlé donc du culture participative. Ouais. Et du coup, on va bifurquer un peu sur les activités du fan derrière, mais ouais. Est-ce que tu peux essayer de définir un petit peu la culture participative? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors, ça a été beaucoup, beaucoup repris à propos d'Internet, mais c'est vrai que ça date un peu avant. Mais c'est vrai qu'Internet a vraiment fait exploser la culture participative et son usage. En gros, c'est l'idée que dans un groupe, une communauté justement qui se sent appartenir, qui a les mêmes codes et qui a les mêmes références, il y a très souvent, très vite, l'idée que c'est aussi un lieu privilégié pour la participation dans le sens où créer du contenu finalement. Et donc créer du contenu dans un endroit safe où tu as envie aussi. Et c'est là que le cliché évidemment classique des fans un peu passifs et un peu en train de rien faire devant leur télé est battu en brèche, c'est que les fans, on l'observe depuis très longtemps, mais toutes les communautés, elles ont envie de rendre à la communauté et à l'œuvre qui les a inspirées quelque chose. Et donc ça va être en faisant quelque chose. Ça peut être rien du tout, ça peut être corriger les fautes d'orthographe de fanfiction. Moi j'ai vu des gens qui faisaient que ça, et j'ai trouvé ça fascinant, des gens qui peuvent dire ouais. Et ça peut être organiser des conventions, des soirées, ça peut être ça peut être simplement faire de la communication via les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi, comme tu dis toi, faire des fanfilms. Donc là c'est un engagement qui est évidemment à long terme et plus complexe, puis après qui demande des compétences. Mais l'idée de la culture participative, c'est aussi justement que tout le monde avec ses petites compétences peut participer et apprendre d'une forme de tutorat collectif où chacun, celui qui sait un peu plus, va te dire moi je vais t'expliquer, j'avais un peu étudié ça dans le cosplay par exemple, où c'est hyper important. C'est l'idée que tout le monde peut à sa mesure faire quelque chose et qu'on a envie de rendre un peu à la communauté et à l'objet dont on est passionné quelque chose, en se faisant plaisir à soi en créant et puis en même temps en faisant plaisir aux autres, quoi. Ouais, alors du coup, si tu veux bien, on pourrait parler un peu de différentes activités des fans, justement. Tu dis que t'as étudié un peu le cosplay, c'est ça? Ouais, le cosplay, je trouve ça assez fascinant. Ouais. Il y a plein de domaines, cosplay, fan art, fan film, fan fiction. Ouais. Mais comme je dis, ça peut être des choses toutes simples. C'est des gens qui vraiment s'ennuient en cours et font un petit dessin sur un cahier, mais c'est toujours le même dessin parce qu'ils sont toujours le même manga auquel ils font référence. Ça peut être découper des bouts de magazines pour en faire des collages, ça... Et en fait, on s'aperçoit dès qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est un peu fan, qu'il y a très souvent des petites choses comme ça qui apparaissent, ouais. Moi, je me rappelle avoir beaucoup dessiné de Sangoku quand j'étais petit. Tu vois, j'ai vraiment fondé mon... Quand j'étais jeune, je dessinais quand même pas mal, et je dessinais beaucoup Sangoku, pareil, dans mon cahier, dans des petits carnets de brouillon, tout ça. Vraiment, c'était... Et en fait, ouais, je me rends compte aujourd'hui que c'était des fan art, en fait, ce que je faisais déjà. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, sur mon petit PC de la famille, à écrire des fanfictions X-Files, même pas pour Internet, pour moi tout seul. Parce qu'en fait, c'était mon moyen en moi d'écrire, parce que j'avais envie d'écrire, et que je ne sais pas vraiment écrire des choses, on va dire, originales totalement, mais c'était mon moyen en moi d'avoir un cadre déjà existant, un lore qui était déjà tout prêt, et après d'écrire une petite histoire. Donc chacun va le faire à sa manière, et pour des raisons souvent très différentes, mais il y a une satisfaction à ça, et il y a aussi un côté, bah, c'est la, entre guillemets, la facilité, mais pas dans le sens négatif, l'accès est facile, c'est le coût d'accès cognitif, on va dire, à la création est beaucoup plus facilité par le fait que tu as déjà un cadre qui est tout prêt, donc après t'as plus qu'à t'amuser avec. Et c'est pas toujours vrai, la facilité, dans le sens où je pense notamment, bah, encore une fois, au fan film, où là justement la facilité peut devenir une contrainte, dans le sens où il faut absolument avoir des beaux effets spéciaux, sinon ça va pas aller, tu vois. Il faut avoir exactement le même effet que le sabre laser qu'il y a dans le film, sinon ça va pas aller. Et tu vois ce cadre qui est autour et qui régit un peu ce qui va se passer dans l'activité de fan, en fait c'est assez fluide. Encore une fois, c'est pas forcément qu'une facilité, ça peut au contraire devenir une contrainte, et c'est intéressant. Ouais. Bien après, justement, après il y a des gens qui peuvent aussi s'extraire de la contrainte et en faire autre chose. On a des exemples assez connus de les exemples récents, c'est par exemple Fifty Shades of Grey, qui était à la base une fanfiction de Twilight, et même la plupart des grandes sagas de fantasy que tout le monde maintenant lit parce que c'était adapté par HBO, Game of Thrones, mais la plupart des grandes sagas de fantasy à la base c'est soit des espèces de petites fanfictions de Tolkien, de gars qui s'amusaient dans leur coin, soit des gens qui ont fait des parties de jeux de rôle et qui ont retranscrit leur partie de jeu de rôle, et que c'est devenu un bouquin. Game of Thrones, c'est le cas, par exemple. À la base, c'est un joueur de jeu de rôle, et c'est valable pour plusieurs grandes sagas de science-fiction, de SF et de fantasy très connues. Donc finalement, c'était des fans qui, dans leur coin, faisaient leur petite partie de jeu de rôle, et qui, c'est une forme de fanfiction, le jeu de rôle, finalement, dans un cadre existant, et qui en finit par faire des bouquins entiers dans un univers qui est devenu original, qui s'est extrait de le... Donc ça peut devenir des choses extrêmement différentes, les fanfictions, Mais tu regardes Star Wars, en fait, de base, George Lucas, il voulait faire un film Flash Gordon. Oui. Donc en fait, il a pas pu, donc il a fait Star Wars. Et il y en a encore plein de traces quand tu regardes un peu, quoi. Et il y a encore plein de traces, et c'est pareil, Star Wars, c'est en fait une adaptation américaine également, tu sais, du film de Kurosawa. Bien sûr, La forteresse cachée, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est où s'arrête la référence à une autre œuvre et où commence la fanfiction. Des gens disent que Tarantino fait des fanfictions, parce qu'il n'y a pas un plan de ses films qui n'est pas repris d'autre chose. Donc là aussi, les frontières sont extrêmement fragiles, comme toujours, en sciences humaines, on n'est pas gâté. C'est dur, hein. mais du coup, il y a des frontières qui se tracent. Alors, tu peux trouver des trucs objectifs du type, comme dit Stephen King, tu es un auteur, le jour tu gagnes ta vie en étant auteur, mais en même temps c'est très fragile aussi comme argument. Donc il n'y a pas de limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet des gens, en tout cas ça les inspire pour faire des choses, c'est super intéressant. Et que alors après il y a une limite à ça aussi, parce que moi j'ai rencontré, alors c'est vrai que c'est assez rare, mais j'ai rencontré quand même quelques fans que j'avais interviewés qui ne faisaient rien, ils consommaient beaucoup mais qui ne faisait rien, et en fait, comme il y a une telle imprégnation de la culture participative dans la culture fan, ou dans la culture geek, et ben ils se sentaient presque un peu mal de dire, moi je suis peut-être pas un vrai fan, justement, parce que j'ai jamais rien fait, alors qu'ils avaient toutes les collections, des produits dérivés, etc. Ils se sentaient peut-être trop consommateurs, et du coup, ils sentaient bien que c'était pas forcément bien vu, ou que c'était pas le truc le plus cool dans la communauté, quoi, alors qu'ils avaient des connaissances, et pour moi déjà, c'est partager ses connaissances avec des potes en discutant, c'est la culture participative. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu vois, j'étais un peu comme ça à une époque aussi, j'ai toujours été, tu sais, un peu un lurker par rapport aux trucs que j'aime. Je suis pas trop à partager, en tout cas à l'origine je n'étais pas, mais c'est vrai que du coup, je peux complètement comprendre cette espèce de complexe qui se forme à dire, merde, j'aime un univers, mais je crée rien par rapport à cet univers. Mais comme tu dis, rien que le fait d'en parler, rien que le fait d'aimer, et à la rigueur, tu vois, juste de lâcher un like ou des reposts sur des réseaux sociaux, rien que ça, c'est participatif, en fait. C'est ça, le truc, c'est qu'en fait, mais c'est un peu un défaut des fans studies aussi parfois, c'est qu'on s'est tous, justement, par facilité, focalisé sur les fans extrêmement visibles. Parce que là au moins on est déjà l'accès était plus facile, parce qu'un lurker, comme tu dis, c'était pareil pour quand je suis maté sur les geeks, où tu vas trouver les geeks, alors tu vas sur internet faire des annonces, mais faut quelqu'un qui ose te répondre, ça c'est qu'il est pas trop timide et qu'il veut bien faire un entretien. Donc où aller les chercher en lui montrant que t'es sympa, que tu veux bien faire un entretien. Donc forcément on a un problème de visibilité. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver les gens qui ont envie de parler, et on va voir les gens qui ont envie de participer de manière, on va dire, très spectaculaire et visible. Alors que, en effet, les micro-participations, il y en a partout, mais voilà, pour les trouver, c'est plus compliqué. Mais maintenant, il commence à avoir justement des travaux et des recherches sur les fans non visibles, sur les publics un peu oubliés des fans studies qui sont beaucoup focalisés sur ce qu'ils avaient accès. Les lettres de fans, les gens qui participaient à des fan clubs, qui allaient à des conventions. Mais évidemment, c'est déjà des démarches qui sont importantes, et c'est clair que moi, pendant la plus grande partie de ma vie, je n'ai pas fait tout ça, et j'étais déjà un fan. Donc ouais. Voilà, et j'étais invisible. Donc c'est vrai que ça pose vraiment question, ouais. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Internet, ça a aussi permis une facilité de partage et d'accès à différents canaux qui permettent derrière d'exprimer à quel point les gens fans sont fans. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, tu vois, je suis en train de me dire, avant ça, c'est vrai que moi, toute ma jeunesse, j'ai été fan de plein de trucs. Et en fait, j'ai eu Internet super tard. J'ai eu Internet à 13 ans. Ouais. Et je dirais que j'ai commencé à être actif sur Internet, sur les réseaux sociaux, vers 17-18 ans, quoi. Et en fait, avant ça, bah, tout ce que j'aimais, je le gardais un peu pour moi et tout, mais j'étais quand même fan pour autre. Enfin, ouais. Tu vois, pareil, genre, j'avais des figurines dans ma chambre, j'avais des DVD à la maison, que je regardais tous les jours. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point, être fan, encore une fois, c'est quelque chose de qui est presque insaisissable, en fait. Ouais. Et c'est ça, et nous, en tant que chercheurs, bah, on s'est longtemps saisi justement de ceux qui étaient le plus faciles à accrocher. Mais, ouais. Mais pour le coup, c'est clair qu'Internet a changé les choses, ne serait-ce que pour en effet parler avec d'autres fans, quoi. Moi, j'avais 14 ans en Ardèche pour parler avec des gens fans d'X-Files. Il y avait au lycée, au collège, il y en avait quelques-uns qui aimaient bien, mais des gens qui, autant que moi, non. Et donc après, on fait quoi? Eh ben oui, dès que les forums sont arrivés, c'était miraculeux, quoi. C'était sûr de dire, ah, des gens comme moi, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un soulagement qui est incroyable. Ouais. C'est intéressant, les forums, parce que moi, je suis amené pas mal à les éplucher dans mes recherches. Mmh. Et c'est vraiment un autre temps, quoi. J'ai l'impression d'être, tu sais, un peu un archéologue d'Internet. Ah, mais complètement. Quand je fouille des forums, c'était il y a 15 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ouais. Mais c'est tellement différent de ce qu'on a maintenant. Ouais, bah, y en a encore un peu, hein, qui vivotent, hein, des forums. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un truc qui disparaîtra jamais vraiment parce que ça a son utilité et qu'il n'y a rien qui l'a totalement remplacé. Mais c'est sûr que c'est pas ergonomique, que c'est pas pratique et qu'on préfère aller sur même un groupe Facebook plutôt qu'un forum. Et moi, j'étudie ça en ce moment en plus parce que je travaille un peu sur les fans de steampunk, donc les passionnés de steampunk, on appelle les vaporistes qui s'appellent. Et justement, il y a eu un gros truc parce que le steampunk en France s'est construit autour d'un gros forum français qui était hyper influent, hyper important. Et à un moment donné, Facebook est arrivé, des gens ont créé des groupes steampunk Facebook, sauf que bah, tout le monde pouvait liker, donc ils étaient plus dans leur petit monde à eux, un peu fermé. Ils étaient ouverts aux gens, mais voilà, c'était un forum, quoi, il fallait y accéder, etc. Et ça a vraiment, en fait, ça a changé la structure de la communauté, même dans la vraie vie, quoi. Ils organisaient moins de soirées parce que bah il y a 58 personnes qui avaient liké la page parce qu'ils trouvaient des images steampunk jolies. Et c'était plus hein, une communauté voilà qui avait son petit monde, quoi. Et donc la transition, comme quoi la plateforme numérique va conditionner aussi la forme de la communauté. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, bah tu vois, je me retrouve complètement dans ce que tu dis par rapport aux fanfilms. Dans les années 2000, t'avais vraiment des grosses communautés sur les forums, notamment du fansite TFN, theforce.net. Qui vraiment parlait de fanfilms tous les jours, quoi. Vraiment, il y avait une grosse communauté qui était vraiment active. Et en fait, bah, avec l'apparition des réseaux sociaux et tout ça, aujourd'hui, il n'y a personne, quoi, sur le forum. Et ça rend les choses plus visibles et en même temps, ça rend la discussion moins présente. Et ça, c'est vrai que c'est marrant. Bah voilà. Ouais, parce que surtout qu'il n'y a jamais eu autant de fanfilms sur Internet que maintenant, hein. Ouais. Il y en a de plus en plus, ça fait toujours un carton quand c'est réalisé avec beaucoup d'effets spéciaux et tout ça, mais il y a plus cette communauté qui était là au milieu des années 2000, qui était vraiment soudée, quoi. Il y avait vraiment un groupe qui se connaissait, tu vois, ils se connaissaient tous, tout ça, et maintenant ça n'existe plus. Ouais. Ils sont noyés dans la masse. C'est ça, complètement. Ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, on divague un peu, mais c'est quand même intéressant. Moi, j'aurais aimé qu'on parle rapidement d'un exemple d'activité de fan dont on n'a pas encore parlé. Et je sais que t'as un peu bossé dessus puisque je t'ai repris pour un article que j'ai écrit qui devrait bientôt paraître, mais la création de Wiki, en fait, ah, oui. Et justement d'encyclopédie et tout ça, tu parles t'as un très bel article, je trouve, sur le culte du détail. Ouais. Mmh. Oui, c'est un truc qui me passionne. Ouais. Ouais, ouais, est-ce que tu peux en parler rapidement, et notamment mettant ça en lien avec Star Wars, si tu veux. Oui, oui, bah, l'idée, un peu, c'est que si on compare le fait d'être fan à une forme d'économie, on pourrait dire que le détail est la monnaie de tout ça, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que le petit détail significatif est extrêmement important pour les fans, et notamment parce que du coup, ça permet de se différencier du grand public qui n'aura pas vu le détail significatif, ou la petite référence, ou le petit easter egg caché, ou le truc au second plan, ou la gaffe, hein, maintenant c'est devenu une culture de la gaffe ou du détail caché avec Allociné qui fait son émission de détail, mais faut raccord, mais en fait c'est finalement ils ont fait que surfer sur un truc qui existait déjà avant, c'est les fans qui s'échangeaient des tu savais que t'as au second plan là, c'est même devenu une blague un peu geek, un peu des fandoms sur on regarde le Seigneur des Anneaux et on voit la scène où Aragorn tape dans le casque et on dit tu savais qu'il s'était cassé le pied, mais parce qu'en fait ça, alors bien sûr celui-là il est devenu tarte à la crème, voilà, évidemment, mais c'est cette idée que les fans sont aussi des gens qui vont revenir en permanence à l'œuvre qu'ils aiment et ils vont y chercher de nouvelles choses. Et c'est vrai que quand on est fan, on n'en a jamais assez. Pour le coup, avec Star Wars, il y a du contenu, hein, on ne va pas se mentir. Mais on n'en a jamais assez. Et donc, on va revoir, re-regarder notamment les œuvres originales qui nous sont marquées. Et donc, quel moyen on a d'y trouver des choses nouvelles, c'est justement de regarder au second plan, de regarder les erreurs, de regarder les petits détails significatifs et qui vont devenir presque une monnaie d'échange. Et, tu vas dire à un pote, t'avais pas remarqué ça, attends, je vais te le montrer, etc. Et donc, ça devient un support de conversation, le détail, et devient le support du culte, en effet, une espèce de rituel de chercher le détail tout le temps. Et justement, c'est la grande théorie d'Umberto Eco qui disait qu'une œuvre culte, c'est une œuvre qui était justement pleine de détails, parce que du coup, chaque personne qui va la voir va pouvoir y prendre des trucs, et chaque personne qui va la revoir 10 fois va y trouver des nouvelles choses qu'elle n'aurait pas, une nouvelle réplique à citer, un nouveau petit détail à regarder. Et là-dessus, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est pas pour rien que certaines œuvres attirent plus les fans que d'autres. C'est souvent des univers où il y a beaucoup, beaucoup de détails qui ont été, peut-être parfois trop avec Star Wars, en l'occurrence. mais voilà. Voilà, peut-être après ça forme des incohérences, évidemment, tout ça. Mais, ouais, bien sûr, mais, ouais. Mais oui, évidemment, les incohérences, moi, c'est clair que quand j'ai fait une interview avec les geeks, c'était des discussions entières sur mais c'est impossible ce qui se passe à tel épisode de telle série, de Doctor Who, de Star Trek, parce que là, dans l'épisode, dans la temporalité, ça ne respecte rien, etc. Et on peut le prendre. Ouais, c'est passionnant. Voilà, on peut le prendre un peu au deuxième degré. Et parfois, ça m'arrive aussi en disant les nerds, arrêtez d'ergoter sur les détails. mais en même temps, il faut le prendre au sérieux en disant qu'est-ce que. Ouais. Parce que parfois, j'ai été comme ça aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel plaisir ça procure? Et il y a un vrai plaisir un peu du collectionneur, c'est-à-dire que, comme la personne qui dit « Ah, il me manque ce timbre encore un hyper rare que j'ai pas encore trouvé », là, ce nouveau détail que je savais pas sur mon œuvre préférée, c'est hop, je le mets dans mon petit carnet à détails, je le mets, hop, c'est une nouvelle vignette Panini que je mets sur mon petit carnet à détails, et ça tend vers une complétude que je n'aurais jamais, évidemment, parce qu'une collection qui est terminée, c'est nul, on veut pas de collection terminée, on n'a plus rien à en faire. Une collection est faite pour être jamais terminée, mais on catalogue, on continue à en ajouter, donc ça fait vraiment partie du plaisir des fans, ouais, clairement. Et c'est marrant que tu parles de trucs Panini, parce que tu vois, moi je me rappelle de mon petit cousin qui était quand on était gamin, on avait 2 ans d'écart, donc on a un peu grandi en même temps et tout ça, et lui c'était vraiment le gamin sportif, tu sais, et moi j'étais vraiment le gamin nerd qui connaissait tout sur tout sur Star Wars et tout ça, et lui c'était vraiment le sport et tout ça, et en fait il avait, tu sais, ses cartes, ses autocollants là, de sportif, de footballeur, tu sais, dans son petit cahier Panini là. Bien et sûr. En fait il y a beaucoup beaucoup de points communs entre le fan de sport et le fan de culture populaire, quoi. Moi je pense qu'entre tous les fans il y a beaucoup de points communs, sûr, mais ouais, peu importe, ouais. Mais c'est cette idée de la collection de petits bouts de détails, en fait, d'extraire des choses de quelque chose qui est un tout pour les sortir, ça c'est extrêmement important. Finalement, la culture internet est faite de ça aussi, parce que les mèmes, c'est un extraire un petit bout de pop culture, un gif, une image marrante, et tu la décliner pour en dire 1000 choses derrière et 1000 blagues, et donc ce culte du détail, il est partout dans la pop culture aujourd'hui, ouais, clairement. Et maintenant les œuvres, alors on peut dire que c'est devenu artificiel commercial, mais en tout cas c'est vrai que maintenant les œuvres font un peu exprès, et c'est sûr que il y a des petits détails cachés au second plan dans n'importe quel film Marvel, pour les fans de Marvel qui savent que là il y a un truc qui fait appel à un autre super-héros qui a pas encore eu son film, et donc c'est devenu presque du marketing le coup du détail, parce qu'ils ont, en fait, comme toujours, l'industrie récupère la marge, Et donc, ce qui était marginal et ce qui était une façon un peu mal vue d'aborder les œuvres de culture populaire est devenu maintenant la façon recommandée par les fabricants. Oui, c'est ça, ne serait-ce que pour les scènes post-génériques, hein, chez Marvel. Avant, c'était un peu les connaisseurs qui restaient jusqu'à la fin du film. Maintenant, tout le monde reste jusqu'à la fin du générique. C'est ça, dans les premiers, t'étais en train de regarder avec les autres en disant « Ah, toi, tu t'en vas ? Ah, bah, t'as pas compris. » Ouais, oui, c'est ça, c'est, ouais, c'est ouais. Ça un peu, ouais. Bien sûr, hein, une manière de reconnaître ouais. C'est vrai, encore une fois. Et, bah, et c'est voilà, sûr, mais tu trouveras, et moi, je suis nul à ça, mais après chaque film Marvel, t'as 20 vidéos YouTube de gars qui te disent bah, « Moi, je l'ai mis en 0,25 secondes, et puis je te dis tous les détails cachés, référence à un autre. » Donc ils savent qu'il va y avoir ça, et que ça va faire partie de la visibilité aussi de l'œuvre. Hein. Et maintenant, ils en jouent. Et alors après, avec plus ou moins de cynisme, hein, c'est évidemment pas discuté, mais c'est sûr que là, pour le coup, la culture du détail a gagné, quoi. C'est clair. Complètement. Et ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit des Gloop Shito. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Gloop Shito ? Pas du tout. Alors, un Gloop Shito, c'est... Ça vient à la base, je crois, d'un tweet de quelqu'un qui disait « Ouais, êtes fou, les fans de Star Wars, ils sont complètement, genre, fous, genre, ils voient un personnage en arrière-plan et tout, deux secondes, et ils disent « Ah, oh, c'est Gloop Shito !» et genre, Gloop Shito, c'est vraiment un nom inventé, et c'est devenu un mème, et du coup, en fait, un Gloop Shito, dans le langage Star Wars, c'est devenu un personnage, genre, de second plan, ouais. Que quasiment personne ne connaît, mais que t'aimes bien, quoi, parce qu'il a un design cool, parce qu'il a, je sais pas, une réplique rigolote, ou parce que juste il a un nom fun. Oui, oui. Et il a son petit article sur le wiki, bien sûr. Et c'est forcément, il a son petit article sur le wiki. Et du coup, c'est rigolo, parce que, ouais, c'est devenu, en fait, un mème, Gloop Shito, maintenant. Et, ouais. Non mais c'est sûr, et Star Wars s'est énormément prêté à ça, moi c'est sûr que bah oui. j'ai montré à ma copine pour la première fois les Star Wars il n'y a pas si longtemps, et, évidemment que quand on arrive à l'épisode 2, je lui dis tu vois là les petites bêtes là-bas, bah, c'est E.T. en fait, qui fait partie du parlement de Star Wars, évidemment pour moi c'est une évidence, j'ai presque honte de dire ça parce que tous les fans de Star Wars savent ça, et ouais. Elle dit ah c'est marrant quand même, tu vois, parce que ça marche avec tout le monde en fait, et bien sûr quand ces œuvres-là sont remplies de... trucs comme ça, ben on va jouer avec ça. Et puis quand nous, on a pour la deuxième fois vu la référence à E.T., on fait bon, bah c'est bon, on a compris. Donc on va aller encore plus loin et trouver quelle est l'espèce d'arbre qui pousse sur telle planète, quoi, c'est sûr. Ouais. Et alors, du coup, est-ce qu'elle a aimé Star Wars ? Oui, elle a beaucoup aimé. Elle a dit, elle pensait que c'était un truc un peu divertissement bas de plafond, et en fait, elle a dit, mais c'est politique en fait. Ben oui. Ah, c'est giga politique Star Wars, ouais. Mais non, mais du coup, c'est chouette, ok. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que ouais. Tu parlais justement de culte du détail, là où tu vois le chercheur Jason Mittel parle même quant à lui, tu sais, de forensic fandom ouais. Qui est vraiment ça met l'enquête en fait, hein, un fandom qui va être enquêteur, qui va vraiment mener l'enquête et qui va essayer de on va dire combler les trous, hein, c'est ce que c'est une expression qui est utilisée par moult chercheurs en fan studies, ouais. Qui justement disent que les fans vont essayer toujours de combler les trous entre les différents médias. Et c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de fans, mais on n'a pas du tout parlé de transmédia, ouais. Mais on pourrait, parce que voilà, beaucoup de fans d'univers, enfin il y a beaucoup d'univers transmédiatiques, on va dire, qui possèdent de nombreux fans et de grosses fanbases importantes, quoi. Oui, oui, bah, coup, ça s'y prête bien, évidemment, ouais. Bah c'est ça, ça s'y prête énormément bien, et voilà, je sais que je depuis maintenant pas beaucoup de temps, j'ai la chance de parler de transmédia à des étudiants à la fac, et c'est vrai que du coup quand je leur parle de différentes franchises tu sais, de SFFF, je vois que enfin ça les intéresse tout de suite, quoi. Évidemment, ouais. Il y a des fans dans la salle, quoi. Et c'est intéressant, c'est marrant de voir. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est. En fait, tu vas toujours trouver. Alors moi, j'ai fait un cours cette semaine là-dessus à mes étudiants aussi en troisième année là, et j'ai passé évidemment 2 heures sur Star Wars. Ils sont yes. Moqués de moi beaucoup à la fin en disant, parce que j'aurais expliqué que toute la pop culture descendait de Star Wars aujourd'hui. Et tu sais que c'est un truc que je dis tout le temps, ça. Et personne me croit. Mais je pense que Star Wars, c'est la pièce maîtresse de la pop culture. Ah oui, bien sûr. Alors après, il y a des choses, bien sûr, comme on disait avant, des inspirations, Flash Gordon et bien tout. Sûr, bien sûr. Mais en plus, ce que je leur ai expliqué surtout, c'est que même si on n'aime pas Star Wars, on a tout à fait le droit. Je faisais des blagues en disant, Vous avez le droit de pas aimer Star Wars, juste me le dites pas, parce que bon, vous allez perdre des points à votre examen, mais vous avez le droit. et eux, ils se moquaient de moi en disant, monsieur, vous savez, et ça, ça vient de Star Wars, et ça, ça vient de Star Wars. Ils lançaient des trucs comme ça. Et je leur disais, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, au-delà du côté culturel, où on a le droit de pas être fan, du point de vue industriel, c'est-à-dire, on peut pas nier que c'est hyper, enfin, que ça a forgé Hollywood moderne, et en plus, quand je leur ai expliqué que Pixar venait de Star Wars et que Photoshop venait de Star Wars et que enfin voilà et bah oui donc que le voilà le mec qui a fait des effets spéciaux de l'épisode 1 2 3 c'est le gars qui a créé Photoshop après tu fais ah ils font ah oui d'accord donc vraiment oui tout oui bah oui vous savez Pixar c'est un ordinateur qui a été créé par ILM pour faire des films d'animation et donc ils se rendent pas compte à quel point en fait même d'un point de vue industriel l'argent qu'a mis Lucas pour le coup est on peut lui reprocher plein de trucs, mais il a mis beaucoup d'argent très vite dans la création de plein de choses. Le Skywalker Ranch, tout ça. Et aujourd'hui, je leur dis, mais vous savez où ils sont montés, les films Marvel, le étalonné, ça, bah, chez George Lucas, hein, dans le Skywalker Ranch. Donc, la culture qu'en fait, qu'ils connaissent eux, c'est pour ça que ça marche chez les étudiants, ces choses-là. C'est que leur culture qu'ils connaissent eux, elle est totalement issue de ça. Donc, c'est pas comme si on leur parlait d'un ancien temps et qu'on faisait de l'archéologie, quoi. C'est vraiment, ça découle directement. Et donc, ça, c'est très efficace. Et je suis sûr que dès que je parle de transmédia, bah, si c'est pas Star Wars, ça va être Harry Potter. Si c'est pas Harry Potter, ça sera Avatar. Si c'est pas... Donc forcément, il y a quelqu'un qui va être touché par un truc, quoi. Ils ont au moins grandi avec ça, quoi. Bah, j'ai parlé à une amie journaliste, et du coup, c'est dans un article de Numérama sur les fans de Star Wars et sur la série The Acolyte, où justement, je disais que Star Wars, c'était un peu comme, tu sais, une Coupe du Monde de football. Tout le monde, quand ça arrive, tout le monde est fan. Tu sais, tout le monde a une opinion sur Star Wars. Tout le monde, tu sais, t'entends souvent, oh, on n'en peut plus de Star Wars, c'est chiant, on entend tout le temps parler. Mais du coup, ces gens-là ont quand même une opinion de Star Wars. Ils passent pas à côté sans rien. Et puis ça montre l'impact culturel du truc. C'est-à-dire que tu peux détester, mais tout le monde connaît Je suis ton père, quoi. Quel film qui a 50 ans, tout le monde connaît une réplique. Il n'y en a pas d'autre. Mais oui, ça n'existe pas. Non, mais t'as complètement raison. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, ce que je disais justement, c'est que tout le monde a une histoire à raconter dans Star Wars. Enfin, en relation avec Star Wars. Ouais, tout le monde. Même les gens qui détestent Star Wars, ils ont un truc à raconter sur Star Wars. Je vais même te dire que même les gens qui n'ont jamais vu Star Wars ont une histoire à raconter à propos de Star Wars. Ça, c'est évident. Ouais, bien sûr. Je sais pas, j'ai jamais vu les films, mais une fois dans un paquet de céréales, j'avais un sabre laser en plastique, tu vois. Ils connaissent la musique, ils connaissent. Voilà, c'est ça. On a tous une histoire à raconter avec Star Wars. Je suis très content d'avoir cette discussion avec toi parce que du coup, là, c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai envie d'écrire un peu, mais on a tous vraiment une histoire avec Star Wars, même ceux qui détestent Star Wars. Ouais, c'est un impact culturel, voilà, c'est un impact culturel qui n'a pas eu depuis les religions, quoi. Enfin, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, il n'y a aucune autre franchise dans la pop culture qui est pareil. C'est, même le Seigneur des Anneaux, c'est pas. Non, c'est pas pareil, ouais, c'est sûr. Même Marvel, c'est pas autant. Non. Bah après, c'était l'époque où c'était le seul, quoi. c'est le seul truc comme ça, donc c'est sûr que ça aide. Hein. Non, mais complètement, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de George Lucas. En fait, voilà. George Lucas, il a géré tout un empire, et tu l'as dit, hein, et là je reprends mes notes, mais Tara Lomax dans le bouquin Star Wars and the History of Transmedia Storytelling dit justement qu'en gros Lucas a vraiment pensé sa franchise son film à la base comme un empire transmédia, et vraiment comme tu disais, hein, Light and Magic, enfin Industrial Light and Magic, ILM, Skywalker Sound, THX, LucasArts. LucasArts sur jeux vidéo, l'impact il est immense. C'est ça, l'impact il est immense. Ils ont inventé le point and click. C'est ça, les point and click, ils n'auraient pas la même gueule aujourd'hui sans LucasArts. Et c'est fou de voir à quel point, comme tu dis, tout découle de Star Wars, quoi. C'est vrai que quand on dit ça comme ça paraît un peu fan obsessionnel qui a envie que tout revienne à ça, mais même pas en plus. Mais il y a plein d'autres trucs dont je suis très fan autre que Star Wars. Je suis très très fan de Seigneur des Anneaux, etc. Mais c'est sûr que je peux pas nier l'impact de Star Wars. Il est beaucoup plus fort culturellement que celui de Seigneur des Anneaux, quoi. C'est sûr, sans problème. Ouais. J'avais eu un débat avec une doctorante qui était pas d'accord avec moi. Je lui avais dit justement que Star Wars c'était la pièce maîtresse de la pop culture, mais il y avait eu un petit débat, voilà, et c'est vrai que j'étais catégorique et je le suis encore plus aujourd'hui. Vraiment. Après, le truc, c'est que ces choses-là sont liées entre elles, parce que moi, je pense que clairement, le Seigneur des Anneaux, je sais pas à quel point il connaissait Lucas, parce qu'il en a pas trop parlé, mais en tout cas, la fantasy est une influence sur Star Wars aussi. Donc, bien sûr, tout se croise. Voilà, enfin, ça, c'est, y a bien pas de problème. Sûr, bien entendu, ouais, c'est clair. Non, mais c'est, enfin, George Lucas était un immense fan de Tolkien, hein, je oui, pense. Oui, oui. J'ai même vu l'interview où il parlait du fait qu'il avait testé le jeu de rôle à la sortie du truc. Donc, voilà. Mais voilà. Ça, c'était le nerd de l'époque, quoi. Ouais. Et j'en ai encore parlé avec une amie aujourd'hui, mais le film Willow. Oui, bah, c'est oui, vraiment oui. Le Seigneur des Anneaux avant l'heure, en fait. C'est... Bah, de toute façon, c'est... Ma théorie, c'est que Lucas, il était, tu le sais très bien, un fan de serial et de pulp des années 30-40. Ouais. Et notamment Flash Gordon et tous les autres. Et en fait, quand tu vois les thématiques des serials et des pulp, tu retrouves toute la carrière de George Lucas. C'est-à-dire que c'était la grosse fantasy avec Conan le Barbare. C'était, les aventuriers qui allaient chercher des reliques partout dans le monde. C'était un des classiques du pulp et du serial de faire ça. Et les super-héros et la SF Space Opera. Donc vraiment. Il a vraiment pillé sa jeunesse dans tout ce qu'il a fait, quoi. Il a fait des fanfilms, finalement. Voilà, mais il les a rendus plus modernes pour une audience qui était prête à le recevoir, donc ça, c'est... C'est ça, complètement, ouais. Et du coup, là, je pense, ça nous amène un peu à parler des fans de Star Wars, hein, plus précisément. En tout cas, au moins survolé, puisque les fans de Star Wars, ça fait peur. Ça a pas été étudié beaucoup, hein, non, pas tant. Dans la littérature scientifique, et il y a seulement quelques ouvrages qui ont été oui, par rapport à Star Trek, c'est incroyable la différence. Ouais. Voilà, c'est ça, la différence, elle est majeure, et pour autant, tu vois, on disait tout à l'heure que Star Wars c'était la pièce maîtresse de la pop culture, mais force est de constater que c'est pas la plus étudiée, hein, loin de là. Non. En tout cas, en termes de fan studies, je pense notamment à Using the Force de Will Brooker, ouais. En 2002. Tu vois, ça commence à faire. Hein, ça fait 22 ans que son bouquin est sorti. Il n'y a pas tant de choses. Il n'y a jamais eu d'édition numérique. Tu vois, le livre il est encore. Vrai. Tu vois, c'est un vieux truc. Fan Phenomena qui est sorti un peu plus tard, mais qui du coup voilà est un ouvrage collectif. Et en fait, ouais, les fans de Star Wars, ça n'a pas été étudié. Tant que ça, pourquoi à ton avis? Est-ce que t'as une hypothèse là-dessus? Ah, il y a plein de possibilités, probablement parce que c'est un peu trop gros aussi. Hein. L'avantage de Star Trek à la base, quand ça a été étudié, c'est qu'il y avait... la grande époque, c'était qu'il y avait deux séries Star Trek, c'est tout à l'époque. C'est-à-dire que c'était, et quelques films, mais c'était pas le truc monstrueux que c'est devenu. Et encore, Star Wars est beaucoup plus gros quand même. Donc, c'est par où aborder Star Wars, c'est tellement énorme. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, Star Wars a plus été étudié d'un point de vue industriel, parce que ça a eu un tel impact sur Hollywood, et d'un point de vue économique, d'un point de vue structurel, donc comment Hollywood s'est construit de manière moderne, que finalement, il y a plus des bouquins sur l'économie de Star Wars, sur les jouets Star Wars, ou alors des études vraiment analyse de texte, parce qu'en effet, comme Star Wars est bourré de références, c'est un bonheur à étudier pour le bouquin de Laurent Juillet sur Star Wars, qui analyse très bien, et tout ça. Et donc, ça crée un... en fait, il y a suffisamment à dire sur toutes ces choses-là qu'il n'y a pas eu besoin d'étudier les fans. Mais c'est vrai. Et puis, peut-être qu'on se dit, à tort ou à raison, je sais pas, que Star Wars c'est de la SF. Donc, si on étudie les fans de SF, c'est comme si on avait un peu étudié Star Wars. C'est-à-dire qu'il est tellement emblématique d'un genre, ce film, enfin cette saga, que du coup, on l'inclut dans les. Allez, je vais faire. Parce qu'il y a quand même pas mal d'études en général sur les fans de SF ou de fantasy, enfin de SFF. Il y en a quand même pas mal pour le coup. Mais du coup, ils vont inclure Star Wars dedans. Mais il n'y a pas un truc spécifique sur Star Wars, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que c'est un fandom qui est quand même assez bruyant, on va dire. Ouais. J'ai même tendance à dire que c'est des fandoms, parce que, pour une fois, je tendance plutôt à dire que Star Wars est constitué de plein de fandoms différents qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Ouais, et puis des générations en plus, donc ouais, ça commence à dater. En plus, il y a des générations, complètement, et c'est ça qui est... fort avec Star Wars, c'est que ça parle à toutes les générations. Je veux dire, petite anecdote personnelle, mais l'autre jour, je buvais un chocolat chaud avec une amie en ville, et il y a une maman avec son fils, je dirais 11 ans, tu vois, qui s'assoit à côté de nous, et le petit, il voit mes pins, et il dit « Ouais, Star Wars !» Et le petit était fan de Star Wars, et sa mère me disait « Ouais, il adore Star Wars et tout !» Et le petit me disait, ouais, même notre chatte, elle s'appelle Ahsoka. Tu vois, c'est vraiment genre... tu vois, et t'es vraiment les parents qui étaient fans, et le petit qui avait 11 ans, qui adorait Star Wars, quoi. Et, un truc aussi transversal, c'est extrêmement rare. Il y en a quelques-uns, il y a peut-être les super-héros, d'ailleurs Superman, tout le monde connaît, et ça date des années 30, quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des choses comme ça, c'est sûr. Et c'était vraiment drôle. Je voulais absolument lui poser plein de questions au petit parce que forcément j'avais envie de lui poser plein de questions pour mes recherches, mais c'est super intéressant. Et les fans de Star Wars, ouais, malgré tout, bah ça reste quand même assez peu étudié. Ouais. Et bah, écoute, tu arrives. Oui, c'est ça. on t'a laissé la place. Faites place. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Du coup, c'est en même temps, c'est assez excitant, tu vois. C'est vraiment. Je dis, bon, il y a un boulevard. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le truc où t'es entre le boulevard et l'angoisse face à la montagne devant toi. Ouais, c'est complètement ça. C'est l'histoire de ma thèse, ça. C'est vraiment. C'est ça. Vraiment ça, mais complètement. Ben écoute, ouais, on a quand même beaucoup parlé déjà. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, si tu veux bien, David. Est-ce que tu t'as déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que tu es fan de Star Wars? Est-ce que tu aimes Star Wars? Quelle est ta relation avec Star Wars? Quelle est ton histoire avec Star Wars? Oui, bah fan de Star Wars, oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que bah du coup, moi, j'ai découvert Star Wars à la télé, donc les anciens, les 4, 5, 6. Mais en fait, comme j'étais très très jeune, très lecteur, j'ai commencé Star Wars par l'univers étendu. C'est vrai que c'est un truc un peu bizarre. Mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Ouais. Ouais. Et en fait, parce que je lisais toute la SF qui me tombait dans les mains quand j'avais 10-12 ans, quoi. Et à la bibliothèque, j'ai dû emprunter un bouquin. Je pensais même pas que je savais que c'était un bouquin dérivé de Star Wars, quoi. Il y avait une couverture avec des vaisseaux spatiaux et des combats, quoi. Et donc ça m'avait attiré. Et je me souviens même que c'était un livre qui racontait n'importe quoi une fois que tu connais l'univers Star Wars, puisque je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, les personnages étaient à la recherche du gant de Dark Vador. Et donc en fait, dans l'histoire, tel que c'était écrit, c'était le gant qui donnait sa force à Dark Vador. C'est comme ça qu'il pouvait trouver les gens à l'instant. Et quand tu vois, tu dis, ah ouais, d'accord, ça n'a pas de sens du tout par rapport. Donc tu dis vraiment, le gars qui a écrit le bouquin n'a pas vraiment vu les films en fait. On lui a donné un synopsis. Et donc c'était marrant après. J'ai déjà entendu parler de ce bouquin dans Je crois que ça s'appelle Le Gant d'ailleurs, Dark Vador tout simplement. Et c'est un espèce de roman lambda de l'univers étendu fait par un gars qui n'était pas très bon. Et comme il y en a eu des centaines pour Star Wars, malheureusement. Mais voilà, et du coup c'était un peu marrant. Après par contre, je pense que j'ai des souvenirs entiers évidemment on avait même pas les VHS, on avait rien, donc moi il fallait attendre, ça passait à peu près tous les ans à la télé. Ouais. Donc j'attendais que sur M6 ça passe tous les ans, c'était le truc où là j'avais le droit de me coucher tard, et c'était oui bien sûr, donc c'était un espèce de truc de fou, ouais, Star Wars, de voir ça et je parle des vieux. Après j'ai vu donc du coup l'épisode 1, il est sorti quand j'avais 14 ans. Donc là, j'étais pile dans l'âge pour aller le voir au ciné, donc c'était génial, même si a posteriori un peu déçu, mais sur le moment, tu te rends même pas compte quand t'as cet âge-là et que tu attends ça depuis si longtemps. Bah ouais, mais bien sûr. Tu te poses pas du tout la question de la qualité du film, t'attends la musique, t'es à 2000% et ça passe tout seul. Même si tu te rends compte après en disant, oh, tiens, je suis moins enthousiaste que les précédents quand même. Mais voilà, et après, donc c'est sûr que c'est mes premiers DVD achetés, c'est les éditions DVD de Star Wars, c'est voilà. Donc oui, gros fan. Et finalement, pas tant consommateur de l'univers étendu, finalement. Après, à part ce bouquin et quelques autres, quand même, j'ai lu Timothy Zahn, les grands classiques des romans dérivés, et pas mal de comics aussi. Mais voilà, je suis plongé à fond dans l'univers étendu, maintenant, je regarde des séries, hein, comme tout le monde. Mais pour moi, oui, c'est clair que la musique incroyable de Star Wars, je trouve que c'est le meilleur BO de tous les temps, évidemment, mais là, j'en force des portes ouvertes. Et donc, voilà, c'est clair que le combat de Dark Maul est sauvé par la musique de Williams, c'est sans problème. Mais moi, donc, voilà, c'est toute une histoire Star Wars. Après, moi, j'ai jamais été trop joué, donc j'ai très peu de trucs, genre figurines, trucs comme ça. Mais oui, voilà, donc j'ai des t-shirts Star Wars, j'ai des DVD, j'ai Blu-ray, j'ai tout ce qu'il faut. Et oui, j'ai grandi avec, en le revoyant souvent à la télé quand ça passait, puis en allant le voir au cinéma. Et je me suis déjà fait des. Bah, quand j'habitais Paris, je me suis déjà fait une ou deux fois le marathon au Grand Rex avec les six films. Voilà. Un peu dur, hein, parce que en plus, il commence par 1, 2, 3, donc tu te fatigues un peu sur la fin, alors que c'est le meilleur moment. Quoi. C'est sûr que c'est les ambiances incroyables, parce que de voir ça avec tout le monde qui a des sabres laser dans la salle, c'est des images qui te restent gravées, donc c'est aussi un côté un peu rituel qui est important. Ouais. Donc, donc clairement fan de Star Wars. Ouais. Et la postologie, parce que nous on aime beaucoup la postologie dans le podcast. J'aime beaucoup le 7 parce que bien sûr que c'est un remake du premier, c'est évident. Mais je trouve que c'est bien fait. Et que moi j'ai vraiment pleuré devant la fin, avec la scène de Luke Skywalker, voilà, le plan en 360 degrés qui tourne. Et la musique est là, l'aventure est là, de voir les vaisseaux en plein jour, tout ça, il y a plein de trucs un peu fanservice, mais que j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé le 8 pour d'autres raisons, qui est beaucoup moins fanservice pour le coup, mais qui est le mieux réalisé de tous les Star Wars, sans aucun problème. Allez, écoute, tu rejoins un podcast officiellement, bienvenue. Ah, j'ai des problèmes avec celui-là, hein. je fais partie des gens qui aiment pas trop le traitement de Luke Skywalker, par exemple, voilà, qui trouve que c'est... son côté un peu vieux grand-père grumpy, mais voilà, mais ça je l'entends tout à fait, donc là je fais pas partie des haters non plus, mais il y a des trucs que j'aime moins. Par contre, le dernier, le 9, bon, je trouve le retour de Palpatine, c'est vraiment compliqué à gérer. Je comprends rien à la fin. Le fait qu'elle s'appelle Skywalker, oui, c'est joli symboliquement, mais une fois que tu réfléchis, pourquoi ce film-là, c'est un cauchemar. Donc ouais, après on connaît, je connais J. Abrams, j'aime bien son travail, il ne sait pas finir ce qu'il fait, donc voilà, oui, c'est vrai. Il aime bien poser des bases, mettre des mystères et pas finir, donc ouais, tout le monde l'a dit, là j'ai rien de nouveau à dire. Donc moi je la re-regarde, la prélogie, la post-logie sans problème, il y a des trucs qui me gênent un peu, mais voilà, je serais à pire. Enfin, les progrès en effet, rien que les progrès en effets spéciaux en images font que c'est quand même très beau à voir et que c'est agréable à regarder. Voilà, mais vraiment c'est vrai que le 9 c'est difficile ouais, c'est le seul que vraiment je regarde pas avec plaisir, hein. Ouais, c'est ça, vraiment c'est... tout le reste, même le 2, tu vois, le 2 ce qui est quand même assez compliqué, même le 2 je regarde, je suis mort de rire, je passe un très bon moment. Ouais, mais pareil, le 9, le 9 j'en ai pleuré de celui-là, hein. Vraiment c'est c'est vraiment une fin ratée. Après voilà, je me consolais, j'ai bien aimé Rogue One aussi, donc voilà, ça. Et Solo, t'as aimé Solo? C'est notre Solo. En fait, Solo, c'est pas pour moi, c'est pas un grand film, mais c'est un film que j'ai bien aimé en tant que film d'aventure. En fait, c'est un film d'aventure que je trouve très sympa. C'est un peu une série B de Star Wars, quoi. Du coup, voilà. Après, il y a le défaut classique de genre de film, bon, qui était attendu, hein, c'est qu'on va tout expliquer d'un personnage en 2 heures. Et donc voilà, c'est son nom, le moindre truc de lui, et voilà. Mais ils font ça dans Indiana Jones 3 avec en un quart d'heure, on a pourquoi il y a cicatrice, pourquoi il a peur des serpents et pourquoi, bon. C'est vrai, ouais. Bon voilà, le côté, on va surexpliquer d'un truc d'un personnage, on se posait même pas la question de pourquoi il fallait l'expliquer. Mais je trouve que c'est, en le revoyant, je trouve qu'il il a un côté bâtard, on sent qu'il y a des problèmes de production, quoi, qu'il y a des soucis. Mais il est bien fait, Ron Howard, un réalisateur qui est un bon faiseur pour le coup, qui sait faire le job. Donc voilà, après, j'avoue qu'il est pour moi plus oubliable que Rogue One, par exemple, qui est un peu plus marquant, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais alors, du coup, tu es fan de Star Wars. T'as encore une fois une relation avec cette franchise. Mm. Alors, même si t'étudies pas forcément Star Wars en tant que tel, mais alors attends, t'es chercheur et fan. Mais tu veux dire que tu étudies des fans en étant toi-même un fan. Mais est-ce qu'il y a pas un peu un conflit? Oui, bah on peut dire ça, tout à fait. en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que on parlait du culte du détail et du fait d'aller toujours plus loin. Et moi, je pense que avoir fait des recherches dans le domaine, c'est complètement pour... c'est ma culture participative à moi, quoi. Moi, j'ai jamais fait trop de... j'en ai fait un ou deux, mais vraiment très peu de fanfiction, de fanart, de fanfilm. Mais par contre, clairement, très tôt, j'ai eu envie d'écrire, d'analyser et de comprendre tout ça. Et dès ma deuxième ou troisième année d'études de sociologie, bah, je demandais... On peut faire un truc sur la science-fiction, on a le droit ? Clairement... c'est mon culte du détail à moi, donc j'ai fait 500 pages de thèse là-dessus parce que c'était ma manière de rendre quelque chose à tout ce que ça m'avait apporté, tout ça. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel. Après, oui, le débat, est-ce que être partie prenante de quelque chose, évidemment, j'ai bien vu avec ton ironie où tu allais. oui, alors c'est le mouvement ACAFAN où en gros on dit que on se revendique académique et fan, mais en fait, alors c'est bien sûr que c'est assez biais et que ça en a évidemment. Moi, ça m'a pas empêché d'être parfois très dur avec la culture geek, dans laquelle je me revendique pourtant totalement dans mes travaux sur la question du sexisme, etc. Donc ça empêche pas non plus. Il faut arriver à justement parfois prendre le recul de ça. Et j'ai vu parfois les doctorants, en effet, qui avaient parfois du mal avec ça, à se dire qui étaient dans la passion et qui n'arrivaient pas à faire le. Mais moi, j'avais pas de problème avec ça, tout en disant bah oui, je suis revendique d'être passionné. Et après ça. Ça a des biais, mais forcément, ces biais sont compensés aussi par ce que ça t'apporte, c'est-à-dire du connaissance du domaine. Du coup, tu vas pouvoir plus facilement passer des barrières, notamment de gatekeeping, justement, de gens qui vont pas pouvoir parler parce que tu connais pas. Et moi, je connais des sociologues très réputés qui ont fait des études un peu de fans, etc., mais parfois qui étaient bloqués par le fait qu'ils connaissaient rien à ce quoi ils étudiaient, quoi. Bah oui. Donc voilà, ça ouvre des portes, ça enferme. En ethnologie, en ethnographie, ils sont jamais posé la question. quand Lévi-Strauss il passe 2 ans en Amazonie et qu'il adopte le mode de vie local, bon, on lui dit pas, bon, bah, du coup, tu n'es plus objectif cette tribu de laquelle tu t'es attaché. Ouais. Bon, voilà, c'est les principes de l'ethnographie et de l'anthropologie. Ouais. Je t'ai jamais posé la question, mais ouais. C'est... Donc voilà, c'est ça, c'est ouais. l'observation participante finalement. Donc, ouais. Ça, c'est une manière d'aborder les choses qui, bien sûr, a ses limites, mais après, bien sûr, il faut tout, quoi. Non, puis je sais que tu aimes bien étudier les mèmes. Oui. C'est pareil, comment tu veux expliquer un mème à un chercheur qui ne serait pas fan de l'œuvre en question, tu vois? Oui, ouais, c'est ça, c'est très compliqué. Donc, c'est super référencé et je vois difficilement un chercheur qui ne soit pas fan d'un univers étudier les mèmes autour d'un univers dont il n'est pas fan, quoi. Enfin, ouais, ouais, c'est compliqué. C'est... ça doit exister, hein. Ça doit exister. Bien des sûr, gens qui veulent s'intéresser à tout. Des sociologues un peu généralistes et tout. Mais c'est vrai que avoir un peu des notions t'intéresser. Et c'est vrai que, clairement, moi, je suis devenu beaucoup plus geek en ayant étudié les geeks. C'est-à-dire que je l'étais un peu, clairement. Ouais. Mais on te file une référence, on te dit, ah, mais tu connais pas ce bouquin-là. Et puis tu finis par dire, bon, bah, ok, il faut. Donc après, il y a des trucs auxquels ouais. j'ai jamais réussi vraiment à me mettre à fond, mais j'ai fait quand même un peu pour ma culture. Par exemple, Star Trek, on en parlait tout à l'heure. J'ai jamais été un grand fan de Star Trek, mais pas du tout pour le, ouais. parce que je sais que les propos de Star Trek sont hyper intéressants, etc. Ouais. Juste parce que, bah, pour moi, c'était un peu vieillot. Quand j'ai grandi pile entre 2 séries Star Trek, donc c'était déjà un peu vieillot, il n'y avait pas de nouveaux trucs un peu modernes. Vraiment, les gens en pyjama, j'ai regardé la vieille série Star Trek, hein. Et je trouve en effet hyper intéressant le propos parce que c'est hyper moderne. Hein. Sur les relations ouais. hommes-femmes et tout, sur plein de choses. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et très progressiste, c'était pensé comme ça. Mais autant je peux regarder Star Wars, les vieux, et me dire, oh, je trouve ça pas vieilli. Autant, et c'est évidemment subjectif, mais autant Star Trek, j'arrive pas. Donc j'ai regardé des bouts de Star Trek ou les films récents, etc. Mais et le nombre de fois, on m'a dit, mais t'es pas un vrai geek, tu connais pas Star Trek. Et voilà. Bon, on a tous nos lacunes, ouais. Mais ça m'a clairement poussé à approfondir. Donc c'était aussi intéressant pour ça. Ouais, c'est vrai que Star Trek, moi, des fois, je me dis, merde, faudrait quand même que je regarde. J'avais commencé pendant le confinement à regarder la première série. Là, j'ai vu la première saison, qui était vraiment bien. Hein. C'est bien, mais c'est vrai que l'épisode dure plus d'une heure. Ouais, c'est lent, ça, c'est les décors sont carton-pâte. C'est dur. Ça, j'aime bien. Ouais, mais c'est un charme. J'aime bien, la réponse. Mais bien sûr, ouais. Mais c'est un peu long, quoi, une heure d'épisode. Et le pire, c'est le premier film Star Trek qui est vraiment, vraiment très, très lent. Il se passe rien, en fait, ça aurait pu faire un épisode de la série. Et qui est réalisé par un réalisateur qui n'était pas forcément fan, donc qui casse un peu l'univers. Donc c'est clairement un film qui est sorti pour surfer sur Star Wars, hein. Il est sorti en 79, comme par hasard, quoi. Donc ils l'ont fait vite fait après. Mais voilà, mais la série originale, et j'ai un peu regardé aussi la Next Generation, qui est un peu celle des années 90, quoi. Ouais. 80, fin des années 80, début des années 90. Ouais, c'est ça, et c'est pareil, il y a des super épisodes, mais il y a 7 saisons de 24 épisodes, et j'avoue que j'ai pas tout regardé, quoi. Mais Picard est un capitaine sympa. Le côté français pour nous, c'est toujours un peu rigolo quand il prend son accent. Oui. Mais voilà, c'est un capitaine sympa, ouais. Ok. Eh ben écoute, merci David. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter des choses Oh non, je pense qu'on a déjà bien assez écouté le, enfin, usé du temps des gens dans leur écoute, donc ça suffit. Non mais c'est bien, du coup on a quand même brassé assez large les fans se disent, voilà, pour cette séquence un peu introductive de la série qu'on va proposer aux gens sur les fans. On a prévu de faire plusieurs épisodes thématiques et historiques sur les fans de Star Wars. On va faire un épisode sur les débuts du fandom, un autre sur les fans arrivés avec la post-logie, on va parler de la toxicité dans la commu, on va parler de plein d'activités entreprises par les fans de Star Wars, le fan art, la fanfiction, le fanfilm, bien entendu. Donc, beaucoup de choses sont prévues sur le podcast Faucon Millennial. Merci beaucoup David d'avoir été là pour merci à toi. Heures quand même. C'était passionnant, vraiment, tu reviens. C'est gentil. Quand tu veux, c'est et très, pourquoi très pas à l'occasion. Ouais, et bah avec grand plaisir, faudrait qu'on s'organise ça. Je voulais remercier tout d'abord les patrons sur Patreon, à savoir Clara, Anthony, Aline et Adrien. Merci à vous pour votre soutien sur Patreon. David, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver en cours plusieurs fois par semaine à l'université Aix-Marseille. On peut me retrouver. Non, je suis un peu sur Twitter X maintenant. Un peu moins qu'avant parce que bon, là, le réseau social a un peu évolué, mais j'arrive pas à le quitter totalement. Et, ouais. Et sinon, bah, une ou deux vidéos par an sur YouTube quand on a le temps. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai un site, un blog que j'alimente aussi de temps en temps. Voilà. Oui, je me demandais, il est à jour ton blog? Oui, mais alors j'ai des articles d'avance déjà écrits, mais finalement, comme on a lancé un groupe de recherche avec des collègues sur les fans, je m'étais dit que peut-être, du coup, qu'on a créé un carnet hypothèse, enfin des lieux d'expression. Yes. Peut-être que je vais passer par ça pour voilà. Donc je suis en train de réfléchir parce que j'aime bien aussi les aventures collectives, donc on va voir. Donc j'ai des choses à dire toujours. Mais voilà, et sinon, voilà, donc n'hésitez pas, de temps en temps je suis dans les médias un petit peu. J'ai fait une interview cette semaine sur France Culture, m'écoutez, voilà. Oh stylé, trop bien. Voilà. Ok. Eh ben écoute, merci encore, vraiment, c'était trop trop cool. Merci à vous. Et puis bah à bientôt, bye. Au revoir. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous.